Sur la terrasse, Fanny est à son inventaire et voici le facteur qui s'avance une lettre à la main. Vous avez quelque chose pour moi ? Fanny Cabani. Non, mademoiselle, je n'ai rien pour vous. Moi, je les porte les lettres, mais c'est pas moi qui les écris. César Olivier ! Fanny prend la lettre et s'élance aussitôt vers César qui est à son comptoir. César, c'est une lettre pour Saïd. Elle est lourde. Et c'est de Marius, César. C'est de lui, c'est écrit derrière. Et c'est la vie. Mais César, ouvre la lettre. Laisse ça là, je te prie. César, ouvre la lettre. Pour faire plaisir à la petite. Ça t'intéresse donc, toi, d'avoir des nouvelles de ce navigateur dénaturé ? Moi, non ! Il abandonne la lettre sur le comptoir et va s'enfermer dans sa cuisine. Il meurt d'envie de lire cette lettre, mais il ne la lira pas devant nous. Nous devrions nous en aller discrètement pour ne pas le faire languir. Il se lève. Bonne idée, Henri. Nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord, mais vous restez assis. Et vous voulez tout voir. Eh bien, monsieur Escarpefille, j'ai entendu dans ce bar assez de calomnie contre les Lyonnais pour avoir le droit de formuler ceci. Un lion, on sait ce que c'est que la pudeur et la discrétion. Au revoir, messieurs. Monsieur Brun sort discrètement. Pudeur ? Quelle pudeur ? Mais oui, il a raison, Félix. Alors viens, va. Lève-toi, va. Ils sortent à leur tour. Alors la porte de la cuisine s'entr'ouvre. Le bras de César paraît s'allonge. Sa main saisit la lettre, se retire, disparaît, et la porte se referme sans bruit. Alors, seul dans sa cuisine, il déchire fébrilement l'enveloppe.